Merci, chers auditrices, auditeurs de la radio Isangani, de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici l'essentiel. Le parti Sawanya Frodebo trouve qu'il faut créer une école de démocratie pour enseigner la population les valeurs de la démocratie. Ce parti trouve que cela pourrait amener le Burundi à atteindre sa vision de pays développé d'ici 2060. La permanence nationale du parti CNL a été assiégée par les policiers le matin de ce samedi. Le secrétaire général de cette formation politique ignore les mobiles de cette attitude. L'équipe nationale, l'équipe Aigle Noir de Makamba a remporté la finale de la Coupe du Président édition 2023. C'est après avoir battu l'équipe Boumamour de Chibitoke sur un score de 3-1. Et les habitants des provinces réclament le sucre de la Sosumo. Ces derniers évoquent la rareté de cette denrée de première nécessité. À la Sosumo, l'on déplore cette carence tout en précisant que le sucre est distribué chaque mois. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour commencer cette édition. Le parti Sawanya Frodebo plaide pour la création d'une école de démocratie après 30 ans de la victoire de ce parti. Propos de Pierre Clavé Nahimana, président de cette formation politique, qui trouve aussi que la vision du Burundi d'être pays émergent d'ici 2040 et pays développé d'ici 2060 est impossible sans une démocratie bien assise. Ce parti a dédié les mois de juin et juillet à la démocratie. Ces 30 années d'exercice de la démocratie au Burundi, il y a des basiques à faire. Cette notion de l'école de la démocratie doit être comprise qu'il faut absolument mettre en place quelque chose, une organisation ou des mécanismes pour enseigner la démocratie au Burundi pour que le peuple puisse s'approprier des principes démocratiques. Concrètement, il faut que les pouvoirs publics puissent enseigner la constitution que nous avons maintenant, par exemple. Même si certains peuvent dire, écoutez, ce n'est pas parfait la constitution que l'on a, mais quand même, il y a beaucoup de principes qui sont très bons pour la démocratie, qu'il faut vulgariser à la population. Et les lois aussi qui sont dérivées de la constitution, il faut les enseigner à la population. Sinon, une population qui ne connaît pas ces lois, qui ne les intériorise pas, cette population ne va pas connaître ses droits démocratiques. Les dirigeants qui ne maîtrisent pas ces principes, écoutez, ils vont mal diriger. Ce qui provoque des problèmes énormes dans le pays. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Écoutez, dernièrement, quand on était dans le forum de développement national, quand on parlait de Burundi émergent, 2040, 2060, pays développé, on est revenu sur ces notions de gouvernance politique démocratique. On nous a donné une cote au niveau du Burundi. Les experts ont dit au Burundi, au niveau démocratique, au niveau de la gouvernance politique, vous êtes en dessous de 40%. Je crois qu'on a avancé en chiffre de 20%. Donc, on est encore loin. On a déjà commencé, mais on est encore loin. Pour pouvoir avancer, il faut faire beaucoup de choses qui nous ramène au-dessus de 50% pour qu'on soit crédible et pour qu'on soit des candidats sérieux pour être un pays émergent. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Toujours page politique, des policiers ont assiégé la permanence nationale du parti CNL située en Gagara au quartier 9 le matin de ce samedi. Cette situation préoccupe le secrétaire général de cette formation politique qui ignore les mobiles de ces policiers. Simon Bizimungu est secrétaire général du parti CNL suivant. Vers 4h30 minutes, nous avons eu un appel d'un VR de la permanence qui nous disait qu'il observait un mouvement anormal de beaucoup de policiers autour de la clôture de la permanence. On se demandait pourquoi ces policiers sont là, on se demandait qui les ont envoyés, mais jusqu'à maintenant on n'a pas de réponse. Ce qu'on peut dire par là, c'est que comme on est dans la démocratie et comme nous sommes un parti agréé, qui a une adresse bien connue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il fallait au moins nous saisir et nous dire il y a quelque chose. Mais si on envoie des policiers comme ça, sans toutefois dire quoi ces policiers viennent faire, ça peut inquiéter pas plus d'un. Et ça nous inquiète jusqu'à maintenant. Parce qu'ils nous demanderont ce qu'ils ont envoyé puissent nous dire de quoi s'agit-il. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune information. Et ces policiers nous disent la raison qui les ont poussés à venir autour de la permanence. Jusqu'à maintenant, on ne connaît rien comme raison qui les ont poussés à venir là-bas. La rédaction de la radio Isanganiro a essayé de contacter le porte-parole du ministère et à la sécurité dans ses attributions pour des éclaircissements sans succès. Les représentants des partis politiques agréés opérant en province Bubanza déplorent les propos du représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Gihungwe qui interdit aux habitants de cette colline de donner en location une maison au parti CNL pour en faire une permanence. Les autorités administratives affirment qu'il y a une bonne cohabitation au sein des partis politiques, n'est-ce pas, Spes Caritas Kabanyana? C'est le parlementaire Alexis Manirakiza du parti CNL qui déplore le discours tenu par le représentant du parti sur la colline Gihungwe de la commune Gihanga. Il interdisait et même mettait en garde toute personne qui donnerait sa maison en location au parti CNL pour en faire une permanence collinaire. Alexis Manirakiza précise que le parti CNL est reconnu par la loi et peut donc exercer ses activités partout. Il demande que le représentant du parti au pouvoir sur la colline Gihungwe soit interrogé sur ses propos jugés d'incitation à la haine. De même, le représentant du parti Sawanya Frodebu Sindaigaya Ferdinand demande lui aussi que de tels propos cessent et que l'auteur soit démis de ses fonctions. De son côté, le conseiller social culturel du gouverneur tranquillise et précise que ses propos n'engagent que l'auteur seul. Moi, je crois que celui qui a tenu de tels propos, ça revient c'est lui-même, parce que je ne crois pas qu'il y ait un représentant d'un parti politique qui pourrait tenir de tels propos, parce que le parti CNL, comme tant d'autres partis qui sont reconnus par les autorités nationales, cela suppose que c'est un parti qui est reconnu au Burundi. Celui qui a tenu de tels propos, on peut l'interroger sur sa tête lui-même. Emmanuel Ngendalama demande aux différents partis politiques dans la province de Bubanza de rester sereins. Les partis politiques, on leur demande de rester toujours sereins, comme des frères et sœurs, et tout simplement de vaquer aux activités de développement, et plutôt que de tenir des propos qui pourraient les amener à la haine. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes Caritas Kabanyana de Bubanza, au nord-ouest, rendons-nous au sud-ouest à Rumonge, où le parti CNL dans cette province s'inscrit en faux contre le jugement dernièrement rendu contre un militant de ce parti habitant la colline Kagongo en commune et province Rumonge. Obedi Nakiruta, représentant en province du parti CNL à Rumonge, estime que le tribunal n'a pas été impartial en se prononçant pour une peine d'une année et plus d'une amende contre quelqu'un dont les témoins ont publiquement déchargé l'accusé. Cet élu du peuple voudrait l'impartialité de la justice dans toute affaire, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Selon Honorable Obed Nakiruta, représentant provincial du Parti Congrès National pour la Liberté CNL à Rumonge, c'est inconcevable qu'un tribunal décide une peine contre Augustin Hichuburundi, membre de ce parti, dont les témoins à charge constitués par sa femme et une fille d'un voisin, des témoins que le parquet de Rumonge avait présentés comme ayant subi des violences physiques et morales, mais qui se sont présentés à la barre décharger l'accusé. Il s'agit là, selon Honorable Obed Nagiruta, d'un procès téléguidé, ce qui ne devrait pas caractériser, selon lui, une justice indépendante. Cet élu du peuple demande à la justice de ne dire que le droit afin de ne pas pérenniser des conflits. Le représentant provincial du parti CNL Rumonge réagit ainsi après un procès de flagrance du soir de ce 31 mai de cette année. Un procès au terme duquel Hichuburundi Augustin a écopé d'une prison ferme d'une année et une amende de 25 000 francs burundais pour avoir malmené sa femme et une fille de son voisin. Hichuburundi Augustin, militant du CNL a été accusé d'avoir fait sortir la nuit de la maison sa femme pour avoir adhéré au CNDD-FDD sous le parrainage de cette fille du voisin que Augustin avait tabassé dans un bistrot avant de rentrer. Ni la femme d'Augustin, ni la fille du voisin, personne n'a porté plainte contre Augustin et les deux ont même demander sa libération lors de ce procès. Jean-Pierre Misago, de Purumongé, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sport à présent, la formation Aigle Noir de Makamba a remporté la Coupe du Président édition 2023 après avoir battu l'équipe Bumamour de la province de Chibitoke sur un score de 3-1 au cours du match qui a été livré ce samedi au stade Umucho de la province Muyinga. Cette victoire donne l'accès à l'équipe Aigle Noir de représenter le Burundi dans les compétitions africaines de la Coupe de la Confédération édition 2023-2024. La coupe gagnée ce samedi est la deuxième remportée par Aigle Noir après celle remportée en 2019 où cette équipe avait battu en finale la formation policière de Rukinzo sur un score de 3-1. La pénurie du sucre parle toujours dans presque toutes les provinces du pays. Certains participants à l'émission Girtouche Girje ce vendredi qu'une fois disponible, cette denrée coûtait plus de 4000 francs burundais par kilo. Ils disent être inquiets de la non-disponibilité du sucre juste après sa distribution et demandent au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour trouver solution à ce problème. Honnêtement, je trouve que la situation s'est de plus en plus détériorée dans tout le pays. Cette question de pénurie du sucre est signalée dans toutes les provinces du pays. Toutes les personnes qui appellent évoquent ce manque criant du sucre. La question est de savoir si le gouvernement ne constate pas cette pénurie. Il faut revoir cette histoire de liste pour peut-être trouver solution à ce problème qui se pose toujours. De même, nous qui achetons une petite quantité, si tu n'es pas là le jour de la distribution, tu ne trouves aucune graine de sucre après. Et cette distribution n'a jamais eu lieu deux jours successifs. Est-ce que la Sosumo possède le sucre à distribuer une seule journée? La question liée à la pénurie du sucre ici à Karusi dépasse l'entendement. Le kilo coûte plus de 4000 francs. Si la Sosumo ne fabrique plus de sucre, nous n'avons qu'à nous retenir. Le sucre coûte 4000 le kilo à Gachokwe, de même à Gisuru une fois disponible. Lors de la distribution au détaillant, le prix par kilo est de 2500 francs. Mais par après, on le trouve à plus de 4000 francs bout. Une fois distribué, cette denrée dure une poignée de secondes. C'est une question qui nous hante vraiment. Moi, je pense que pour mieux gérer la commercialisation du sucre, il faut créer les comités collinaires de gestion du sucre, une fois distribué pour un suivi régulier de la vente. Le kilo de sucre coûte 4500 francs bout. Que les concernés puissent tout faire pour revoir à la baisse les prix des produits, le sucre y compris. La société sucrée de Mosso Simon réaffirme avoir des quantités suffisantes de cette denrée jusqu'à la prochaine campagne. Le représentant de cette société étatique déplore les lamentations de cette population liées au manque de ce produit stratégique. Festus Tuissengue précise aussi que les listes des grossistes sont fournies par l'administration qu'elle invite au suivi de la vente au détail. Des élèves de l'ITAP Kigozi de la commune et province Kirundo s'inquiètent de leurs camarades qui sont sous les méthodes contraceptives. Ils demandent que cette pratique soit arrêtée pour les jeunes. Cela a été déclaré dans les enseignements de la première dame du pays lors de la séance de sensibilisation des jeunes filles sur la santé sexuelle et reproductive, n'est-ce pas Agnès Namagadze? Le directeur du programme national de la santé reproductive au sein du ministère de la Santé a indiqué dans son exposé que chaque fois qu'une jeune fille ouvre la porte de la débauche dans sa vie, elle ouvre aussi la porte des problèmes qui pourraient occasionner des conséquences néfastes sur sa santé dans l'avenir. Les élèves de l'ITAP Kigozi de la commune et province Kirundo s'inquiètent également de cas des jeunes filles qui fréquentent les centres de santé amis des jeunes pour y demander demander d'être mises sous des méthodes contraceptives. Ces élèves demandent que cette pratique soit arrêtée et qu'elle soit pratiquée seulement sur des femmes mariées. La première dame burundaise indique également que c'est honteux de voir une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui est sur les méthodes contraceptives et trouve que cela pourrait occasionner des conséquences néfastes sur sa santé, voire même de la stérilité une fois mariée. Elle interpelle les agents des structures de santé de prodiguer des conseils à ces filles qui y demandent ces services au lieu de les servir en les mettant sous les méthodes contraceptives car ce sont des enfants. Et aux parents, elle a demandé de doubler leur vigilance sur l'éducation de leurs filles et de multiplier les échanges dans la famille avec leurs enfants, car l'éducation des enfants est demandée à leurs parents. Depuis Kirundo, Agnès Nhomagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Nhomagadze. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Uimana qui était à la manette du son. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Nduimana. Gardez l'écoute. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend d'où vous vous trouvez maintenant. Un président de centre de passation rayé de la liste la veille de la passation du concours écrit la voix de l'enseignant. Relevant de la province de Bujumbura, la direction communale de l'éducation de Mutimbuzi a été marquée par un désordre ce lundi 29 mai 2023. Comme le détaille cet hebdomadaire de l'éducation, cet état de fait a été dû au flou qui a plané sur la liste des surveillants du concours national, aggravé par l'enrayement par encre correcteur d'un président de centre de passation du dit concours situé au lycée communal de Tenga. Son confrère signale une autre anomalie. Certains surveillants se retrouvaient affectés sur plus d'un centre de passation et les absents n'ont pas été immédiatement remplacés comme à l'accoutumée. La voix de l'enseignant appelle le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique à plus de transparence dans le choix des surveillants et des correcteurs des examens nationaux pour la crédibilité des résultats et la qualité des apprentissages. Élection 2025, la fièvre est déjà montée, estime le journal Iwachu, au regard d'une vidéo qui fait le buzz et dans laquelle un responsable local du CNDD-FDD à Gihongwe, dans la commune de Gihanga en province de Bubanza, appelle les militants de ce parti au pouvoir à ne pas donner en location leur maison au principal parti d'opposition CNL. Cet hebdomadaire note que cet appel en dit long sur la cohabitation entre les militants du parti au pouvoir et du CNL dans cette localité, à l'avant-veille des échéances électorales en vue. Un chef collinaire contrarié en pleine séance de justice à Rumonge, rapporte Net Presse. En effet, explique son confrère, le tribunal de grande instance de Rumonge, au cours d'un procès de flagrance de ce 31 mai, a condamné à une année de prison et à 25 000 francs burundais d'amende un citoyen du nom d'Augustin Hichuburundi. Ce dernier membre du CNL est accusé d'avoir frappé sa femme, Kezaki Imana, pour avoir intégré le parti au pouvoir. Lors du procès de ce mercredi, poursuit ce quotidien en ligne, la dame avait été convoquée elle aussi et a fortement démenti l'information selon laquelle elle a été battue par son mari. Les juges ont indiqué avoir réagi suite au rapport du chef de colline Kagongo, qui a fait savoir à la cour qu'il est intervenu lorsque M. Hichuburundi violentait son épouse. Le couple a fait savoir qu'il y a un conflit entre les deux parties et que le chef de colline avait juré de faire punir le mari de cette femme. Les membres de la famille de la victime ont alors décidé d'interjeter appel auprès de la cour d'appel d'Obururi pour que cette erreur judiciaire soit corrigée, arguant qu'Augustin Hichuburundi est poursuivi pour ses convictions politiques. Termine Net Presse. Revue de la presse. Les encadreurs agricoles de la province Ngozi Sodi, satisfaits de la production de riz enregistrée cette année, rapporte l'agence burundaise de presse. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, Émile Koubguimana, a dit à son confrère que le marais de Nyatidjima 2 avait été pour cette saison érigé en modèle pour l'essai de la variété Japanico et témoigne dans les colonnes de ce quotidien des performances très remarquables de cette variété qui peut atteindre 5 à 7 tonnes par hectare. Il s'agit selon lui d'une variété très résistante aux ravageurs et aux pathologies. De l'autre côté, sur Nyamuswaga 1, écrit toujours la BP, c'est une nouvelle variété venue de China Chibuko. Il a été essayé dans le cadre de la coopération sino-burundaise et s'est également montré très performante, fait remarquer ce quotidien. Le thé du Burundi serait-il en voie de régression, s'interroge Burundi Echo, qui constate que la production du thé évolue en dents de scie. Cet hebdomadaire socio-économique rappelle que lors du lancement de la 5e édition de la convention et d'exhibition du thé africain en juillet 2022, le directeur commercial de l'Office du thé du Burundi, Emmanuel Naiziga, a déclaré que la production annuelle du thé au Burundi était de 12 000 tonnes, ajoutant que c'est une faible production comparée à celle des autres pays africains. Selon son confrère, l'Office du thé du Burundi envisage de récupérer les plantations abandonnées pour les remettre aux coopératives et ces dernières partageront les dividendes avec les propriétaires des terres. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.